Les frustrés, d'après Claire Brotéché. La télé. Sylvie, Guy, Agnès, Catherine, Georges, 40-50 ans, affalés sur canapé et tapis. Les garçons, cheveux longs. Les filles, pieds nus, jupe babacool. Tu vois, ce qui est déprimant aujourd'hui, c'est que la masse des gens a complètement perdu le sens de la fête. Ah oui. Ouais, t'as raison. C'est clair. Je reviens. Maintenant, faire la fête, ça veut dire aller au supermarché et dépenser un maximum de fric en achetant toutes ces cochonneries qui mettent pour appâter le client. Non, mais tu te rends compte. Oh. C'est naze. En fait, il n'y a plus aucun sens ludique. Plus aucun. Les gens n'ont plus envie de participer, c'est ça le truc. Quelqu'un veut du café? Les gens, ils veulent s'avachir tous les soirs devant la télé, se laisser abrutir par le programme en bouffant des chips. Chacun son paquet de chips. Ouais. T'as raison, on partage même pas le paquet de chips. Ou de cacahuètes. Ou de cacahuètes, c'est pareil. Ou de curly. Oh, vous connaissez ce truc-là? Encore une cochonnerie qui vient des États-Unis. Des États-Unis? T'es sûr? Quelqu'un veut du café? Non, merci, celui-là. À moins que tu n'aies du déca. Les curlis, c'est pas ces trucs un peu croustillants dans un paquet rouge? Ah oui, c'est ça. Oui, ça craque. Oui, c'est ça. Si t'as pas d'amis, prends un curlis. C'est quoi ça? Bah, c'est le slogan publicitaire. Oh, tu parles d'un slogan. Bouffe tes curlis tout seul devant ta télé. Tu vas voir comment tu vas faire des amis. Remarque, c'est pas si mauvais. C'est vrai que c'est pas mauvais, mais c'est pas la question. Ouais, c'est pas la question. Je remporte le café alors. Je pense par exemple à la kermesse de Rubens. La kermesse de Rubens. Oui. Tu connais un mieux. Oh non, jamais d'alcool, merci. Cette santé, cette paillardise. Cette truculence. Ça se trouve dans tous les coins, ça rigole. Ils font même une farandole. Ça se goinfre, ça se roule par terre. Oh, ça y allait à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Malheureusement, on n'est plus au XVIIe siècle. Quelqu'un veut une cigarette? XVIIe siècle? Rubens? T'es sûr? Bah, attends, voyons. Alors, Marie de Médicis, c'était... Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Je dirais que c'était... Guy, tu veux une cigarette? Elle a été reine de France, Marie de Médicis. C'était l'épouse d'Henri IV. D'ailleurs, Honoré de Balzac a lourdement insinué... Ah, je parle pas de ça. Je parle du cycle Marie de Médicis. La série de 24 tableaux qu'elle a commandé à Rubens pour le mariage de sa fille. 24? T'es sûr? Tu réponds, Sylvie. Allô? Ah, salut! Vous êtes dans le quartier? Justement, on est en train d'improviser une petite fête. Vous montez, vous amusez avec nous. Virage. Ça y est, mon projet dramatique est presque accepté. Génial. Ouais. Tu peux pas savoir comme tu tombes bien. On vient de me livrer ma machine à laver, ça fait une heure que je me bats avec la notice. Je sors d'un rendez-vous avec l'assistant de Chapuis, il est très intéressé. Tu vois qui c'est Chapuis? Je t'ai parlé de lui la semaine dernière. Un truc à l'habitude, explique-moi un peu ces foutues sélections de programme. Il dit qu'on pourrait commencer à tourner dans 3 mois, tu te rends compte? Bon, alors je vais juste laver mes serviettes de toilette, mes t-shirts et mes strings. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que je vais faire un pré-lavage? Il faudrait que je retravaille 2-3 petites choses avec lui, presque rien. Il m'a proposé de déjeuner avec lui demain midi. Ça veut dire quoi, essorage court? C'est tout le programme qui est court, j'y comprends rien. Ça va pas faire un essorage tout seul quand même. Faut que le linge soit lavé avant d'être essoré? Je trouve que c'est vraiment pas clair leur truc. Ah, ça m'agace. Bon, allez, tant pis, je me lance. J'espère que je fais pas une connerie. Bon, au pire, ça déborde, non? C'est quoi ce bruit? C'est normal que ça cogne autant, hein? Ça fait plaisir de voir à quel point tu t'intéresses à ce qui compte le plus au monde pour moi. Mais dis donc, mais t'es gonflée! Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de ta cuisine, là? Qu'est-ce qui t'a fait rencontrer des gens? Qu'est-ce qui t'a pris des rancards parce que t'osais pas décrocher ton téléphone? Je suis moite de reconnaissance. Écoute, Rosie, tu peux comprendre, ça fait des années que je rêve de m'amuser avec des gadgets ménagers. Ah oui, t'as été trop absorbée par ta fabuleuse carrière, toi. Je te rappelle que c'est pas le cas de tout le monde. Bon, alors, ton scénario est accepté, bah c'est merveilleux. Ouais, j'arrive pas à y croire. On pense à Miu Miu pour le rôle de Priscille. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, enfer et damnation! Vite, quoi faire? Je crois que j'ai mis le détergent dans le casier pour l'adoucissant. Rosie? Rosie? Il faut que tu m'aides, là! Rosie? Rosie? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Les Frustrés, adapté de Claire Bretéché par Christelle Wurmser. Avec Raphaël Ingoupillo, Christelle Wurmser, Jean-Pierre Malo, François Siener, Jacqueline Corrado, Éléonore Jonquet, Adeline Sarudiansky. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.